Chapitre 15. Les brodequins sont retrouvés, éclair de sagesse. Le lendemain, M. Tocambel entra chez M. de Gerville. M. Tocambel. Je viens vous demander à déjeuner, Victor. Mais avant d'entrer au salon chez Léontine, je suis venu réclamer mes brodequins à Gisèle. M. de Gerville, avec embarras. Vos brodequins ? Quels brodequins ? M. Tocambel. Ceux que j'ai gagnés hier et que Gisèle a cachés sans doute, ou emportés par mes gardes. M. de Gerville de même. Gisèle, comment ça, je ne comprends pas. M. Tocambel, riant. Si fait, si fait. Vous comprenez à peu près. Gisèle a succombé à la tentation et je viens reprendre mon bien. M. de Gerville. Mon cher monsieur, je suis bien fâché que vous puissiez croire. M. Tocambel. Voyons, mon ami, finissons la plaisanterie. Vous êtes trop bon père, comme toujours. Je réclame mes jolis brodequins et je viens demander à Gisèle de me les rendre. À revoir, mon cher, à déjeuner. M. Tocambel sortit de chez M. de Gerville et alla chez Gisèle. Gisèle, dit-il en entrant, je vous prie de me rendre mes brodequins que vous avez emportés, j'en ai besoin. Gisèle, je ne les ai pas, je ne peux pas vous les rendre. M. Tocambel, mais vous les avez pris hier, j'en suis sûr. Gisèle, si je les ai pris, je les garde, ils ne sont plus à vous. M. Tocambel, Gisèle, prenez garde à ce que vous faites. Je veux que vous me rendiez ce qui est à moi. Si vous me le refusez, je vais de ce pas chercher un sergent de ville qui vous mènera chez le commissaire de police. Je déposerai ma plainte. On vous mettra en prison, ce qui ne sera pas agréable, je vous le garantis. Gisèle, effrayée d'abord, se rassura par la pensée que M. Tocambel n'oserait pas faire ce qu'il disait. Elle ne voulut donc ni répondre ni bouger. M. Tocambel, je reviens dans un instant, Gisèle. Attendez-moi. Gisèle attendit, en effet. 5 minutes, 10 minutes se passèrent. M. Tocambel ne revenait pas. Au moment où elle s'applaudissait de n'avoir pas cédé, on frappa à la porte. Gisèle poussa un cri. Un prétendu sergent de ville, à grosse moustache, à figure terrible, mais sans uniforme, entra. M. Tocambel le suivait, dissimulant avec peine un sourire. Le faux sergent. « Est-ce là votre voleuse, monsieur ?» M. Tocambel. « Oui, sergent, c'est elle. Mais avant de l'arrêter, essayez de me faire ravoir les deux objets volés. Si elle les rend de bonne grâce, je renonce à ma plainte. » Le faux sergent. « Mademoiselle, persistez-vous à refuser ce que vous demande monsieur ?»« Je vais les rendre, » répondit Gisèle, pâle d'effroi. Ses dents claquaient, ses jambes tremblaient. Elle se traîna à une armoire, l'ouvrit, retira de dessous un paquet de linge, les brodequins de M. Tocambel, et les lui remit sans résistance. Il les prit et sortit immédiatement, accompagné du prétendu sergent de ville. M. Tocambel, votre apparition a produit un effet merveilleux, commissionnaire. Voici les 5 francs que je vous ai promis. Merci bien de votre complaisance. Le commissionnaire. Il n'y a pas de quoi, monsieur. Je suis tout à votre disposition pour d'autres occasions, s'il s'en présente. M. Tocambel, je pense bien que je n'userai pas souvent de votre obligeance. La petite vous a pris pour un vrai sergent de ville, elle a eu une peur effroyable, c'est ce que je voulais. Le commissionnaire sortit. M. Tocambel entra au salon où il trouva Léontine préparant les cahiers de Gisèle. Léontine, dit-il en entrant, j'ai été obligé de faire un coup d'état. Figurez-vous que Gisèle a commencé par nier tout à l'heure avoir pris hier soir mon lot gagné. Ensuite, elle a refusé de me le rendre. Je ne voulais pourtant pas le laisser à Gisèle après la mauvaise action dont elle s'est rendue coupable. Léontine inquiète. Qu'avez-vous fait alors? Quel a été votre coup d'état? M. Tocambel riant. J'ai été chercher un sergent de ville. Léontine effrayée. Oh mon Dieu! M. Tocambel. Ne vous effrayez donc pas, soyez tranquille. Je suis convenu avec mon faux sergent, qui n'était qu'un commissionnaire, que ce ne serait que pour faire peur à un enfant méchant, et que si nous ne réussissions pas, il s'en irait tout simplement. Effectivement, quand je l'ai ramené avec moi, Gisèle a eu si peur qu'elle m'a rendu de suite mes brodequins. Une grande tape dans le dos fit retourner vivement M. Tocambel. Il vit Madame de Montclair qui le regardait avec irritation et colère, mais de ces colères et riantes et amicales qui ne blessent ni n'effraient. Madame de Montclair. « A-t-on jamais vu un nigaud pareil? Comment, à votre âge, avec votre grosse tête, couronnée d'un si magnifique gazon, vous n'avez trouvé rien de mieux à faire que d'effrayer cet enfant à la rendre malade, que d'attirer l'attention des commissionnaires de la rue sur la maison de Léontine, que de faire jaser les concierges et les voisins sur la descente de la police chez M. de Gerville. Je dis et je répète que c'est stupide, absurde, et que si j'étais Léontine, je vous ferais une scène à vous rendre fou. M. Tocambel. Il n'y a pas besoin de Léontine pour cela, baronne. Vous y réussirez mieux qu'elle, bien certainement. Madame de Montclair. Vous me le paierez, mon cher. Je ne suis pas encore au bout. M. Tocambel. Pour Dieu, laissez-moi partir. J'en suis fou d'avance. Madame de Montclair. Non, vous ne partirez pas. Vous déjeunerez ici avec nous et nous vous agoniserons de sottises à chaque bouchée que vous avalerez. Et vous resterez tout le temps que je voudrai. Et je vous emmènerai pour faire des courses. Et vous resterez chez moi jusqu'à ce que vous ayez crié grâce. Monsieur Tocambel. Grâce, grâce, cruel ami et implacable ennemi, s'écria Monsieur Tocambel en ployant un genou devant elle et en lui baisant la main. Je demande grâce, par avance. Un petit soufflet, une chiquenaude sur le nez et une saccade donnée à la perruque pour lui faire faire demi-tour du front à la nuque furent la réponse et le pardon de Madame de Montclair. Et toi, ma pauvre Léontine, continua la tante, ne t'effraie pas des suites de l'absurde invention de notre absurde ami. Monsieur Tocambel voulut parler. Taisez-vous. Je dis absurde, je maintiens absurde. J'ai passé chez Gisèle avant d'entrer chez toi, car j'avais su par ta concierge que le père Toc avait fait sa visite domiciliaire avec un commissionnaire qui passait pour un sergent de ville, pour Mademoiselle Gisèle. J'ai tout de suite deviné le pourquoi de la sottise qu'il avait faite, et j'ai voulu voir si Gisèle n'avait pas été trop effrayée de cette étrange visite. Je l'ai trouvée en pleurs. Léontine, en pleurs, ma Gisèle, ma pauvre chère enfant. Et Léontine s'élança pour courir chez sa fille. Madame de Montclair l'arrêta. Madame de Montclair. Écoute-moi, ma fille. Tu verras que l'effet de terreur inventé par notre intelligent ami n'a pas fait le mal qu'il espérait. Monsieur Tocambel. Mais c'est intolérable ce que vous dites là, baronne. Je n'y tiens pas, je m'en vais. Madame de Montclair. Vous écouterez et vous resterez. Laissez-moi parler, et vous ne parlerez que lorsque je vous le permettrai. Madame de Montclair le fit asseoir de force et le surveilla de près. Je te disais, Léontine, que Gisèle pleurait. Mais c'était l'effet de la colère, pas du tout de la frayeur ni de l'émotion. Elle regrettait ses brodequins. Monsieur Tocambel. Comment c'est ? Mes brodequins, vous voulez dire ? Madame de Montclair. Laissez-moi donc parler. Quel bavard vous faites ! Le pauvre Tocambel joignit les mains, leva les yeux au ciel d'un air tragicomique et ne bougea plus. Elle voulait donc ravoir ses brodequins quand elle me vit entrer. Je la mis tout de suite à l'aise. Elle me raconta la méchanceté de son bon ami qu'elle aime tant, son invention de sergent de ville. Gisèle est persuadée qu'il l'aurait emmenée en prison si elle n'avait pas rendu les brodequins. Elle était très bien remise de sa frayeur. Seulement elle pleurait ses brodequins. Et je te préviens qu'elle veut demander à son père d'aller lui en acheter d'exactement pareil. Léontine. Merci, ma tante. J'espère bien que Victor en trouvera. Il demandera à Pierre l'adresse du magasin où il les a achetés. Madame de Montclair. Ha, ha, ha ! Voilà une bonne idée. Comment, Léontine, au lieu de punir Gisèle de sa conduite d'hier, de celle d'aujourd'hui, tu vas encourager Victor à céder à ce ridicule caprice et à récompenser le vol, le mensonge ? Léontine embarrassée. Mais, ma tante, ce n'est pas récompenser le mal, c'est seulement pour rendre à cette pauvre petite les lots que les méchants enfants lui ont enlevés et mis en pièces hier soir. Madame de Montclair. Léontine, tu sais comment les choses se sont passées. Gisèle ne mérite rien qu'une bonne punition, et je ne comprends pas que tu ne le sentes pas de toi-même, sans que je te le dise. Au reste, je t'ai prévenu, je t'ai dit mon avis. Fais comme tu voudras, et ne parlons plus du passé. Je délivre mon prisonnier. Allez, mon bonhomme, et surtout ne vous échappez pas. J'aurai réellement besoin de vous. Monsieur Tocambel, ce dernier mot suffit pour me clouer à vos côtés, mon aimable ennemi. Je suis à vous, jusqu'à la mort. Le déjeuner était prêt. Victor entra avec Gisèle, dont la mine rayonnante et un peu impertinente alarma Madame de Montclair et Monsieur Tocambel. « Je parie qu'il vient de faire une sottise, » dit Madame de Montclair à l'oreille du père Toc. Monsieur Tocambel, « C'est bien mon avis. L'air de Gisèle annonce le triomphe. » Madame de Montclair, « Il lui aura promis des brodequins. » Monsieur Tocambel, « Ou bien il les aura déjà donnés. » On se mit à table. Gisèle avait un air goguenard que Léontine cherchait vainement à réprimer. La conversation était animée grâce à l'inépuisable gaieté de Madame de Montclair et à la répartie vive et spirituelle de Monsieur Tocambel. À la fin du déjeuner, on apporta un paquet qu'on remit à Gisèle. Elle l'ouvrit avec empressement, poussa un cri de joie et éleva en l'air une paire de brodequins semblables à ceux qu'elle avait tant désirés. Léontine se pencha vers sa tante et lui dit quelques mots, tout bas. « Montre-moi tes belles chaussures, Gisèle !» dit la tante en riant. Gisèle les lui donna. « Madame de Montclair, qui est-ce qui t'a acheté cela ?» Gisèle, « c'est mon cher papa, pour me consoler des méchancetés qu'on m'a faites. » Madame de Montclair, « charmant, charmant, j'ai bien envie d'en avoir de pareils. » Monsieur de Gerville, « je vous donnerai l'adresse du marchand, ma tante. » Madame de Montclair, « c'est que j'ai bien envie de ceci. » Gisèle, inquiète. « Ah, mais c'est impossible, ma tante, ils sont à moi. » Madame de Montclair, « qu'est-ce que cela fait ? Tu as bien pris hier ceux de Monsieur Tocambel. Décidément, je les garde, ils sont trop jolis. » Et Madame de Montclair les mit dans sa poche. Gisèle, surprise, consternée, ne savait quel parti prendre. Elle se tourna vers son père et dit d'une voix larmoyante, « Papa ?» Monsieur de Gerville, reprenant courage à cet appel, s'adressa à sa tante. « C'est une plaisanterie, n'est-ce pas, ma tante ?» La pauvre Gisèle en était tout effrayée et interdite. « Ayez la bonté, ma chère tante, de lui rendre ses brodequins. » Madame de Montclair, « mais mon ami, je fais ce que Gisèle a fait hier, avec la différence que ce qu'elle a fait en cachette, je le fais ouvertement devant vous. Si elle n'a pas mal fait, pourquoi ne ferais-je pas comme elle? Si elle a mal fait, pourquoi serait-elle récompensée et pourquoi ne le serais-je pas comme l'a été Gisèle? Ou bien, pourquoi n'empêcherais-je pas Gisèle de recevoir la récompense de sa mauvaise action? Ces brodequins vous ont coûté 30 francs, je le sais. Voici vos 30 francs, dont je ne veux pas vous dépouiller, et je garde les brodequins pour moi. » Monsieur de Gerville, contenant son humeur, « il me sera facile d'en acheter d'autres. Ne pleure pas, ma Gisèle chérie, tu les auras. » Madame de Montclair, « Gisèle, si tu veux réparer le mal que tu as fait hier et ce matin, tu as un moyen très simple et qui nous fera oublier à tous ton action honteuse. Refuse ce que t'offre la trop grande bonté de ton papa. Ce sera un acte courageux et généreux. Tu te relèveras à tes propres yeux, ma pauvre enfant, et quand plus tard tu raconteras cette anecdote, tu pourras dire « j'ai fait un beau trait dans mon enfance. » Gisèle, étonnée, restait indécise, regardait alternativement sa tante, son père et sa mère. Ces deux derniers baissaient les yeux. Madame de Montclair, « voyons, ma Gisèle, courage, mon enfant. Je n'y vais pas par quatre chemins. Je dis franchement que tu es très coupable. Au lieu d'une récompense, il te faut une punition. Que personne n'osant te l'infliger, de peur de te chagriner, tu dois le faire toi-même, courageusement, généreusement. Allons, cher enfant, un effort, ce sera bientôt fait. » Gisèle hésita, pâlit visiblement, rassembla son courage et dit à son père, « Papa, ma tante a raison, j'ai très mal fait, j'en suis honteuse, ne m'achetez rien. Mon bon ami, ajouta-t-elle en se tournant vers Monsieur Tocambel, « j'ai été bien méchante avec vous. Si vous voulez bien me pardonner cette fois, vous serez bien bon. » Monsieur Tocambel, embrassant Gisèle, « de tout mon cœur, ma chère, très chère enfant. » Madame de Montclair, « bien, ma Gisèle, c'est bien, c'est beau, je suis très contente de toi. Et pour t'empêcher d'oublier ce jour qui est un beau jour pour toi, garde le petit présent que je t'offre, de grand cœur. Tu l'as gagné et tu l'auras. » Madame de Montclair remit à Gisèle les brodequins qu'elle avait confisqués. Gisèle, enchantée, remercia et embrassa sa tante à rendre jaloux Léontine et Victor, dont les gâteries coupables et maladroites arrêtaient les bonnes dispositions naturelles de leur fille. Madame de Montclair, « et à présent, mes enfants, que ma besogne est faite, que ma petite Gisèle s'est réhabilitée, que j'ai du bien à en dire, je vous quitte avec mon fidèle ami et ses brodequins. Soyez sages tous les trois. Vous, père trop indulgent, toi, mère trop complaisante, imitez votre fille, qui a eu le courage d'écouter la voix de sa conscience et de s'infliger une punition qu'elle croyait mériter. Et toi, ma courageuse Gisèle, continue à te traiter avec sévérité et justice, pour devenir parfaite. » Madame de Montclair embrassa Gisèle et sortit avec Monsieur Tocambel, qu'elle se mit à persécuter aussitôt qu'ils eurent quitté l'appartement. « J'aime beaucoup ma tante, » dit Gisèle, au bout d'un instant. Monsieur de Gerville, « et moi, cher amour, m'aimes-tu ? Certainement, papa, répondit Gisèle avec froideur. Monsieur de Gerville, autant que ta tante, j'espère bien. Oui, papa, dit Gisèle avec hésitation. Le père s'aperçut que Gisèle avait hésité. Et Gisèle, reprit-il avec inquiétude, est-ce que tu m'aimerais moins que ta tante, par hasard ? Gisèle, embarrassée. Je ne sais pas, papa. Je respecte beaucoup ma tante et j'ai confiance en elle. Monsieur de Gerville. Et moi, est-ce que je ne t'inspire pas la même confiance ? Gisèle, résolument. Non, papa, vous me gâtez trop. Monsieur de Gerville. Je te gâte ? Je te gâte trop ? Mais ne vois-tu pas que lorsque je cède à tes demandes, c'est par tendresse pour toi, pour te faire plaisir ? Gisèle. Je le sais bien, mais je sais bien aussi que j'ai tort et que vous ne me le dites pas. Et que vous aussi, vous avez tort de me laisser faire, et que vous me faites du mal au lieu de me faire du bien, et c'est pourquoi je n'ai pas confiance en vous, comme en ma tante. Monsieur de Gerville. Alors, tu n'as pas confiance non plus en ta maman. Gisèle. Un peu, parce que quelquefois elle m'a empêché de mal faire, mais pas toujours, pas souvent. Monsieur de Gerville. Oh, Gisèle, comme tu es ingrate pour nous, et surtout pour moi. Gisèle. Non, papa, je ne suis pas ingrate. Je vous aime beaucoup, mais je ne sais comment expliquer ce que j'éprouve. Je vous aime, mais il me semble que je n'ai pas pour vous le respect que j'ai pour ma tante. Monsieur de Gerville ne répliqua rien. Sa conscience lui faisait très bien comprendre ce que Gisèle ne pouvait lui expliquer. Il avait perdu l'estime de sa fille. Elle l'aimait comme on aime quelqu'un de dévoué, de complaisant, qui se rend utile, mais auquel on ne pense pas quand on n'en a pas besoin. Léontine n'avait rien dit. Son cœur lui faisait tout comprendre. Elle sentait ses torts, elle les déplorait, et la force lui manquait pour se réformer. Elle était un peu jalouse de l'influence de sa tante sur Gisèle. Et pourtant, sa raison lui faisait comprendre que si elle avait eu la même franchise, la même fermeté, sa fille l'aurait aimée et respectée, comme Madame de Montclair. Gisèle examinait son père et sa mère. Quand elle vit des larmes dans les yeux de sa mère, elle alla près d'elle, l'embrassa. « Maman, dit-elle, n'est-il pas temps que je prépare mes leçons pour Mademoiselle Rondet ? Elle va venir dans une heure. » Léontine. « Oui, ma Gisèle, tu es bien gentille d'y avoir pensé. À revoir, Victor. Venez nous prendre à 2 heures pour nous mener à l'exposition. » Victor ne répondit pas. Il était resté les coudes appuyés sur la table, la tête soutenue dans ses mains. Léontine fit signe à Gisèle de sortir et s'approcha de son mari. « Victor, mon ami, tu souffres comme moi des paroles de Gisèle ?» Monsieur de Gerville. Oh, Léontine, que ces paroles ont été dures et terribles, après tout ce que nous avons fait pour elle. Léontine, nous en avons trop fait, mon ami. Elle nous l'a dit elle-même, tu l'as entendu. Elle ne nous respecte pas parce que nous manquons à notre devoir en ne la dirigeant pas. Mais il est temps encore de retrouver son respect et son affection. Soyons plus fermes, plus sages. Monsieur de Gerville impatienté. « Ce qui veut dire, Léontine, que tu veux la rendre malheureuse en la contrariant sans cesse ?»« Je ne peux pas la gronder, lui tout refuser. Cela m'est odieux et impossible. » Léontine expliqua à son mari ce qu'elle attendait de lui. Elle lui prouva que Gisèle n'en serait que plus heureuse. Elle finit par en obtenir la promesse de ne rien accorder de ce qu'elle aurait défendu ou refusé, de ne pas approuver ce qu'elle aurait blâmé. Léontine quitta son mari après l'avoir rassurée sur l'affection de sa fille.